François Grégoire au microphone pour débuter l'émission avec Camille V. Lefebvre, qui va nous dire que pour nettoyer notre corps du stress, il faut prendre un bain, mais pas n'importe quel bain, un bain de forêt. Une tendance qui est présente depuis quelques années au Japon. Bonjour Camille. Bonjour François. Alors c'est très particulier comme sujet, mais rassure-nous Camille qu'il ne s'agit pas de faire sa toilette en pleine nature, là. Non, c'est pas ça du tout. En fait, il s'agit de l'action de s'immerger en nature, c'est-à-dire que les gens sont amenés à faire une pause dans leur quotidien pour prendre ou, disons, reprendre contact avec la nature. Le terme anglais est « forest bath », qui est une traduction du terme japonais, et je m'excuse pour mon accent, le shinin yoku, je crois, qui désigne bain de forêt ou encore un état de bien-être dans l'atmosphère de la forêt. Pour nos auditeurs, il peut sembler étrange d'aborder ce sujet, surtout que ici au Québec, là, nous sommes passablement bien entourés de forêts et de nature, même à la ville de Québec même. Mais la situation est différente dans les grandes villes asiatiques telles que Tokyo, Singapour, Hong Kong ou encore Taipei, où la présence d'éléments de la nature est éparse, voire même absente dans certains secteurs. C'est justement dans ces villes, particulièrement celles situées au Japon, où est née et même pratiquée depuis le début des années 2000, fin des années 90, les bains de forêt. Alors, ce mouvement ou encore cette tendance a ainsi attiré la curiosité des chercheurs, quoi? En effet, c'est particulièrement vrai pour une équipe en particulier là, de chercheurs qui est composée de membres du Centre pour l'environnement, de la santé et des sciences terrain de l'Université de Chiba au Japon, également du département de l'environnement et des ressources forestières de l'Université nationale de Chungam en Corée du Sud et de l'Institut de recherche en foresterie et produits forestiers de Tsukuba au Japon. Alors, ces chercheurs se démarquent dans ce nouveau domaine de recherche qui date de moins d'une vingtaine d'années. Et ils ont à leur actif plusieurs études et même articles scientifiques de publier sur le sujet dans des revues telles que Public Health et Environmental Health Prevention Medicine Journal, par exemple. Est-ce qu'ils ont observé des comportements ou encore des phénomènes particuliers relevant de cette tendance à prendre des bains de forêt? Ben, en fait, les études pointent toutes dans la même direction, soit que les bains de forêt seraient bénéfiques à la fois sur la santé psychologique que physiologique des êtres humains. Ils ont entre autres observé une diminution du taux de cortisol salivaire et une diminution du rythme cardiaque. Ce sont deux indicateurs utilisés pour mesurer le niveau de stress. En fait, les différents tests effectués en contexte de bains de forêt versus en milieu urbain indique que les bains de forêt procurent les mêmes résultats que ceux observés dans des conditions de relaxation comme la méditation ou encore la relaxation avec de la musique douce. En plus, les résultats aux divers tests écrits qui ont été menés avant les bains de forêt et après les bains de forêt indiquent que l'état mental est aussi influencé positivement par les bains de forêt. C'est-à-dire que les personnes ont un état mental plus positif. Ils expriment ressentir plus de confort, d'apaisement et de repos, et ça augmente même la concentration. Et qu'est-ce qui explique l'observation de tels résultats? Selon les auteurs de ces études, les prémices pour expliquer les bienfaits mesurés découlent de notre relation évolutive du point de vue biologique, soit en tant que bios ou être vivant avec la nature. Alors, remontons dans le temps, rappelons-nous que notre demeure a été pendant des millions d'années composée de différents écosystèmes dans lesquels les sociétés se sont adaptées et ont évolué. D'ailleurs, le préfixe « éco » du terme « écosystème » provient du grec « oikos » qui signifie « maison ». Donc, selon cette perspective, l'actuelle urbanisation dans laquelle on vit et principalement le fait de vivre en ville avec tous les stimuli qui sont présents est très récente du point de vue de l'évolution. Et c'est un environnement qui serait non familier, voire inhabituel pour l'humain. De plus, il propose des pistes de réponse par le biais de l'influence de la nature sur les cinq sens de l'être humain. C'est-à-dire que la stimulation de nos sens, soit la vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'audition, par des agents agréables, Pensant aux odeurs en forêt, comme celui du sapin, ou encore au bruit des oiseaux, des feuilles qui bougent par le vent, aurait une influence positive sur notre bien-être et notre état mental en général. C'est très intéressant tout ça, mais pour nous, c'est-à-dire pour notre génération, il est plutôt inusité d'entendre que les villes ne seraient pas des environnements dans lesquels nous sommes adaptés à vivre. Est-ce que cette mésadaptation aurait des conséquences? En fait, les résultats des études menées sur les bains de forêt jusqu'à présent n'abordent pas les effets négatifs de la vie urbaine. Ils s'orientent davantage à démontrer les bienfaits de l'immersion en forêt et tentent d'expliquer par quel processus la nature a des bienfaits sur l'être humain, parce que, comme mentionné précédemment, c'est un domaine de recherche qui est plutôt récent. Par ailleurs, les résultats sont concluants. Il n'est pas nécessaire d'être immergé très longtemps en forêt pour en ressentir des bienfaits. Les bains de forêt ne durent que quelques dizaines de minutes à quelques heures seulement. Toutefois, d'autres recherches se penchent à connaître les conséquences de la vie urbaine et les résultats observés au Japon sont très similaires aux études menées ailleurs dans le monde sur des cas semblables. Par exemple, des théories telles que celle d'Ulrich affirment que notre mode de vie actuel occasionne beaucoup de stress aux êtres humains et génère une fatigue mentale. On peut repenser ici aux stimuli de la ville urbaine que je parlais précédemment. Donc, ces effets négatifs sont souvent grandement diminués lorsque les sujets sont en contact avec des éléments de la nature. Ça, c'est bien, mais à quand peut-on s'attendre de recevoir des prescriptions médicales de séjour en nature pour nous aider à soigner certaines maladies? J'aimerais bien que ça soit demain matin, mais je ne crois pas que la société québécoise canadienne soit rendue prête à recevoir ce type de prescription. Néanmoins, malgré que les résultats dont je vous ai parlé aujourd'hui proviennent d'Asie, n'empêche pas que plusieurs Québécoises et Québécois sont déconnectés de la nature et vivent dans des milieux très urbains. Ils n'en sortent pas souvent. Ils n'en sortent pas. Il y a des personnes sur l'île de Montréal qui ne sont jamais sorties. Même à Québec, oui. Effectivement. Donc, si j'ai une suggestion à faire à nos auditeurs ce soir, c'est de ne pas attendre la venue des prescriptions médicales pour séjourner en nature, mais bien de sortir et de bouger en nature, même si ce n'est que pour quelques minutes. D'où l'importance d'avoir des boisés urbains pour prendre un bain de forêt quotidien, à la limite. Tout à fait. Écoute, sur une note personnelle, je pourrais dire qu'un des plus beaux moments que j'ai vécu en voyage, ça a été une marche de 3 heures dans le National Redwood Empire, qui est une forêt millénaire qui se trouve dans le nord de la Californie et qui ne contient que des pins redwood de 300 pieds de hauteur. Wow. Et qui ont entre 20 et 30 pieds de diamètre. Et il y a, comme sous bois, mais il n'y avait que des fougères au sol. Et cette marche-là, ça a été incroyable pour moi. C'était comme un pèlerinage. Ça m'a fait vraiment un bien spirituel incroyable. Oui, puis je suis certain que t'es ressorti de cette marche-là complètement ressourcé. Tout à fait. On peut penser, il y a beaucoup de moments, je suis certain, dans les souvenirs de nos auditeurs là, qui peuvent rattacher à des expéditions, des marches en forêt, en nature. Tout à fait. Merci beaucoup, Camille. Merci, François. Alors, de la forêt, on va passer à l'eau avec Dominique Boudreau. Alors, restez avec nous sur CKRL 89.1 pour découvrir les propriétés de l'eau.